avec une modeste page tournée. Ceci n'est qu'une modeste page tournée. Il suffit d'entendre. Ceci n'est qu'une modeste page tournée. Il suffit d'entendre. Ceci n'est qu'une modeste page tournée. Il suffit d'entendre. Son cérémonial tellement rare. Crois-tu être plus propre que moi? Que ce serait mieux s'ils étaient autres que moi? Faut croire que c'est ton heure, avril, vas-y, allez, croque ce mois. Y'en aura plus après ici-bas, c'est comme le close combat. Rien n'a changé, même discours, toujours les roses combats. Où est-ce qu'on va? Nos convictions expirées, trahies par nos pères, certes-ils qui seront les premiers à se faire virer. Je me trouve là et la leçon brute que j'en ai retirée. C'est que ce pays est une grosse pompe qui rêve de se faire cirer. Je veux pas voir nos gosses à genoux en GAV devant les fils à broussard. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont à voir dans tout ça? J'suis pas le semble gars, je suis issu d'une famille modeste, immigré de Naples, malheureusement. On prend à retourner nos vestes. Ça paraît simple, on n'a pourtant pas de mal à faire commerce. La vie c'est ça, regarde comment nos pères et mères conversent. Électrochoc maintenant, admirance, point de force converge. Mentalité de résistant face à celle de grosse concierge. Je garde le cap, car ton putain de cas mon père. Il rime avec mère et charter, ça gêne moi, je t'emmerde. Vivre ici, tu crois pas que j'ai bien la chance qu'on a. Mais moi je suis caché, pas question pour ça de vendre mon âme. Je braque mon arme, mon stylo et sa bave saumâtre. Je prie mon maître pour qu'il éclaire ceux qui sont dans le coma. Je m'assume, végète pas dans une fosse jaunâtre. Mes gosses honnêtes croisent. Mon ardoise est une sauce tomate. Où est-ce qu'on est? On joue perso quand te frelate. Le masque tombe et v'là la masse, là on doit tous combattre. Ça leur pète à la cabeça comme une sale grenade. Je refuse de laisser un centimètre de plus à cet engrenage. Pas d'inclinaison de nos corps. Entends manifeste. Le jour noir qui suit la victoire des gros porcs. Continuera, c'est une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre. Langue, acre, atteste la justesse de nos gestes. Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps. Entends manifeste. Le jour noir qui suit la victoire des gros porcs. Continuera, c'est une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre. Langue, acre, atteste manifeste. Depuis ce jour, même l'air a l'air empoisonné. De nouveau cloisonné, à défaut de raisonner. On veut emprisonner, le trône a raisonné. Le bouc émissaire désigné, ça suffit plus de nous isoler. J'ai vu morfler, s'écosiller, chantant la haine contre lui-même, ça file la 400 ans de chaîne, ils ont rien mémorisé. Ils taffent en place à la mairie, donc ils seront décolorisés. Dans le sillon creux, ils veulent nous voir ruisseler. Et en nous y poussant, espère que l'un d'eux dira les sceller. C'est bien le genre de laquais qui tiendrait le fouet pour les négriers. Prêt à rapatrier l'horreur pour quelques poubelles grillées. Ils parlent d'honneur et de cœur, de mots qu'ils ont oubliés. Comme l'île de Corée, confirmant la tâche divisée pour régner. Potentiel dévalorisé, confiance volatilisée. Principe atomisé, c'est le retour du temps décolonisé. Traitant leur peuple de pas civilisé. En fait, ce qu'ils visent, c'est être un bon boy comme ils disaient. En milieu autorisé. Amenez vos camisoles, pas nos pensées, vous aurez pas le rôle. Le rôle de ceux qui vont nous enfoncer. Alors qu'on sait tout ce qui s'est passé des 33, des 33. Y'a rien qui change, Hitler aussi est passé droit avec toi. La voix du peuple, la voix maudite, celle qui tue l'humanité. L'expression, la diversité, ce sont nos cités. La voix de ceux qui veulent que la paix meure, meure. Qu'on se divise pour nos couleurs, pour qu'on vive le fureur. Faut croire que vous êtes lâche en plus tous autant que vous êtes. Ceux qui pensent que le mal se résout par le mal, peut-être. Là y'a plus de peut-être, ils ont voté pour un facho. C'est pas un vote contestataire quand on connaît d'archaud. Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps. Entends manifeste. Le jour noir qui suit la victoire des gros porcs. Continuera, c'est une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre. Langue, acre, atteste la justesse de nos gestes. Y'a toujours pas d'inclinaison de nos corps. Entends manifeste. Le jour noir qui suit la victoire des gros porcs. Continuera, c'est une plongée jusqu'à Sodome et Gomorre. Langue, acre, atteste manifeste. Il ne s'agit pas réellement de venger le mal fait dans le passé, mais de parer celui qui nous menace dans l'avenir.